Bonsoir et bienvenue dans cette édition du soir dont les grandes articulations sont les suivantes. Plus de 8000 cas pour candidats pour la catégorie des militaires d'Oran ont passé le test d'intégration dans les forces de défense nationale ce samedi dans tout le pays. Le porte-parole de l'armée fait savoir qu'un équilibre ethnique sera considéré pour l'admission de ces candidats. Une révision tarifaire va se faire au sein de la régie des eaux sur base des propositions qui ont été données par une commission qui a montré que le gouvernement ne serait plus obligé de subventionner ce secteur. Vous entendrez dans ce journal le secrétaire et porte-parole du gouvernement. Le manque de moyens pour acheter la nourriture pour les élèves des établissements à régime d'internat dans la province de Kirundo a contraint les directeurs à renvoyer temporairement les élèves parce qu'ils ont terminé leur examen. Les nouveaux chefs du syndicat des travailleurs de l'enseignement au Burundi sont préoccupés par les irrégularités qui ont caractérisé le redéploiement des enseignants et ils promettent qu'ils vont se pencher sur ces cas. Le développement de ces titres, c'est dans ce journal qui vous est présenté par Ali Dandaïkeza et Mentoussé Mitebouti assure la mise en onde. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bienvenue encore. Ouvrons ce journal par la page sécurité. Un certain Georges Nshimirimana a été appréhendé avec une grenade sur le pont de la République en zone à Angwa de la mairie de Bujumbura. Cette information a été donnée par Pierre Ngurikiye, porte-parole de la police nationale, sans autres détails. Vinzidavi Elikan, chef de secteur Buhinga en zone Munini de la province Bururi, est dans les mains de la police judiciaire de Bururi depuis l'après-midi de ce vendredi. La direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage à Bururi l'accuse d'être à la tête d'une insurrection. Ce mardi, il s'est opposé à l'accomplissement de la mission de l'employé de la direction qui était envoyé. Avant son arrestation, Elikan avait nié ses allégations en disant que cet employé n'avait pas montré son ordre de mission et que, dans ces conditions, il était considéré comme un voleur des biens publics. Nestor Nijimbere, administrateur de Bururi, indique qu'il suit de près ce dossier. Une révision tarifaire de l'électricité va être faite par la régie des eaux. Cela a été dit par Philippe Nzobonariba, le secrétaire du gouvernement. Il indique que cela découle des propositions qui ont été faites par une commission qui a travaillé sur cette question afin de montrer comment le gouvernement ne sera plus obligé de subventionner ce secteur. Pour ce qui est du recouvrement, cette tâche a été confiée à l'entreprise Payway Burundi. Suivez Philippe Nzobonariba, ses propos été tiré du compte rendu du Conseil des ministres qui s'est tenu ce vendredi. Dans la régie des eaux, le gouvernement et les partenaires techniques et financiers se sont mis d'accord sur un plan de réforme de cette entreprise en vue d'améliorer ses performances. Ce plan comprend des actions stratégiques, dont la révision de la structure tarifaire de l'électricité, afin de mettre en place un marché concurrentiel avec des tarifs garantissant la viabilité des entreprises qui voudraient apporter leurs capitaux et investir dans ce domaine, et ainsi disponibiliser l'électricité pour tous ceux qui la souhaitent. La commission mise en place à cet effet a proposé la grille tarifaire prévoyant une augmentation du tarif actuel pour permettre à l'État de ne plus subventionner la consommation d'électricité qui est un produit commercial. Toutefois, le tarif social pour la tranche de consommation se situant entre 0 et 10 kWh par mois restera d'application. Ainsi, la proposition a été adoptée. Dans le but d'améliorer le niveau de collecte des recettes, la Régie des eaux a décidé de lancer un avis de manifestation d'intérêt des sociétés spécialisées dans les contrats de gérance de délégation du service public pour le préfinancement des services de facturation, de règlement et de recouvrement des factures d'eau et d'électricité sur tout le territoire national. Ces opérations se réaliseront avec l'appui de nouvelles technologies sécurisées de facturation et de paiement. Et c'est la société Payway Burundi qui a été retenue. Le dossier a été adopté avec la recommandation de préciser qu'à l'issue des 3 années que va durer le contrat, il y est transféré à la Régie des eaux de la technologie qui sera utilisée dans ces opérations. Passation ce samedi dans test pour la catégorie des militaires d'Oran pour être intégrés dans les forces de défense nationale. Gaspard Baratouza, porte-parole de cette institution, dit qu'ils ont enregistré 8034 candidats dans tout le pays, mais annonce que parmi eux, seuls 1000 candidats seront admis dans ce corps de défense conformément aux équilibres ethniques. Suivez Gaspard Baratouza au micro d'Evrard Havyarimann. Ici au lycée Dirac Tanganyika. La catégorie des militaires d'Oran passe le test intellectuel aujourd'hui. Vous le voyez, les représentations, les candidats sont venus nombreux. Dans tout le pays, les inscriptions en effectif total de 8034 candidats se sont fait inscrire. Et à Mairie de Bujumbura, nous avons 315 candidats qui se sont fait inscrire. Et là, les représentations, que ce soit ethnique et genre, et se sont présentés d'une façon considérable, visible. Les équipes sont là. Je tiens à signaler que sur 315 candidats, 22 sont de genre féminin. Parmi ces 22, 15 sont de l'ethnie Tutsi et 7 de l'ethnie Hutu. Et parmi les garçons, il y a 135 de l'ethnie Hutu et 156 de l'ethnie Tutsi, en plus de 2 qui sont de l'ethnie Twa. Vous comprenez que les équilibres constitutionnels voulus vont pouvoir sortir de ces candidats. Test physique, ce sera vendredi, et le 23 décembre 2016, au chef-lieu des provinces. Ils vont passer le dernier test physique. Ce sera une course, c'est une distance qui va être déterminée le moment voulu. Pour les candidats militaires d'Oran, Syrien Ochange, ce sera un effectif de 1000. Mille qui sera déterminé dans les proportions selon les réussites et les équilibres constitutionnels voulus. Certains conducteurs de vélos privés se plaignent qu'ils sont rançonnés par des gens en tenue civile. Ils estiment que le contrôle des plaques devrait être fait par des corps en uniforme. Celui-ci est l'un d'eux, traduit en français par Alain Désiré Ukeneza. Comme d'habitude, je suis conducteur de vélo, mais ce vélo n'est pas pour le commerce, c'est pour mon propre déplacement. Mais ces derniers jours, certaines personnes nous arrêtent en cours de route pour nous demander une plaque d'immatriculation. Nous ne savons pas ce qui nous arrête puisqu'ils n'ont ni de tenue policier ni de tenue militaire. Nous nous demandons l'identification de ce qui nous arrête. C'est pour cela que nous avons des inquiétudes. C'est pour cette raison que nous demandons à ceux qui ont pris cette décision de nous renseigner sur ceux qui sont chargés de la mise en application de cette décision. Nous savons que la décision d'une autorité est souvent mise en application par la police et éventuellement par les militaires, donc des gens en tenue conforme à la loi. Ils nous arrêtent en cachette et nous exigent des plaques. Et si nous demandons leur identification, ils nous demandent de nous adresser à celui qui a pris cette décision, donc le maire de la ville de Bujumbura. Puisqu'il nous arrête lorsque nous sommes pressés, nous sommes obligés de leur donner une certaine somme d'argent. Ils ne nous donnent pas de reçu. C'est pour cette raison que nous avons des inquiétudes qu'il s'agit des voleurs qui dérobent au grand jour. De son côté, le président de la solidarité des taxis vélos, Sotavebou, met en garde tout membre de cette association qui rançonne les gens. Suivez Emmanuel Nimbona, traduit en français par Didier Nyonzima. Sur terrain, il y a des représentants de notre association qui sont chargés d'observer la faisabilité de ce métier. Ils ont leur façon de travailler, mais dire qu'ils peuvent arrêter quelqu'un sur terrain pour lui demander de l'argent, cela ne fait pas partie de leur mission. Ce que nous leur avons chargé de faire, c'est collecter la contribution journalière des conducteurs de taxi-vélo, et ces derniers le savent. Mais pour tout autre cycliste qui n'est pas conducteur de taxi-vélo, ces représentants de l'association n'ont pas le droit de lui demander quoi que ce soit. Celui qui le fait, ça n'engage que lui. Et nous sommes en train de suivre cette affaire pour que celui qui aurait collecté de l'argent illégalement soit puni conformément à la loi dans le cadre de lutter contre la corruption, étant donné que nous sommes contre les corrompus qui malmènent les gens sur terrain. Certains groupes de gens qui se disent chrétiens et qui vont prier dans les ménages des habitants de la zone Mobone en commune Kabedzi de la province Bujumbura font cette activité dans l'illégalité et même l'administration n'est pas au courant. Tels sont les propos de l'administrateur de la commune, Kabedi Renilde Ndaishimiye, le dit après que certains habitants de la zone Mubone disent être menacés par ces groupes de gens qui les accusent de sorcellerie. Suivez Renilde Ndaishimiye. Muisanzwe abo bagenda gusengera ku rugo rw'umuntu nti baba bamubajije nti baba bagiye inama abo naho no munsi bacha barambira yuko abo bantu basubira. Normalement, ces groupes de gens qui vont prier dans les ménages n'avisent pas la population. Aujourd'hui, j'ai eu une information que ces gens sont retournés pour prier dans la zone Mubone. J'ai tout de suite avisé les forces de sécurité et ils les ont amenés dans les bureaux de la commune. Lundi, ils vont subir un interrogatoire et nous allons les empêcher de faire cette activité qui est illégale. Dernièrement, ces groupes de gens ont été battus par un des habitants. Nous l'avons amené aux communes, non pas parce qu'il avait été accusé de sorcellerie, mais il avait blessé les autres. Par après, j'ai dit au conseiller de sensibiliser pour arrêter ces activités. Maintenant, ces groupes de gens sont déjà au bureau de la commune. Ceux qui sont coupables seront punis conformément à la loi. Et puis nous allons sensibiliser dans la communauté via les églises, parce que ces gens perturbent la sécurité. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Célébration aujourd'hui de la Journée nationale de l'arbre. Les cérémonies marquant cette journée ont eu lieu dans 5 provinces du pays, à savoir Bujumbura Mairie, sur la rivière Nahangwa, dans la province Rumonge, c'était sur le site Nyaruhongoka. En province Makamba, c'était sur le site Kiyange, dans la province Ngozi, c'était au site de Mukinya et dans la province Vuvanza. Ces cérémonies ont eu lieu au site de Giharabuga. La province Mwaro est l'une des principales provinces qui fournissent du charbon à Bujumbura. Le responsable de l'OBPE dans cette province indique que le bois est menacé par certaines personnes qui coupent les jeunes arbres et celles qui exploitent les arbres des boisements communaux. Il demande à la population de cette province de planter d'autres arbres sur les collines afin de préserver l'environnement. Le point avec Laurent Ndikuriyo. Parmi les éléments qui menacent le bois en province Mwaro, il y a certaines personnes qui coupent de jeunes arbres pour fabriquer le charbon qui est vendu à Bujumbura. Le responsable de l'Office burundais pour la protection de l'environnement dans cette province, OBPE, Jean-Bosco Ndendekere, dit que ces personnes devraient d'abord demander l'autorisation de coupe pour que les services habilités vérifient s'il est temps que ces arbres soient coupés. Ceci pousse également ces exploitants à payer les taxes exigées à l'OBR et à la commune. Aussi, la démographie galopante fait que certaines gens coupent les arbres pour y cultiver. Un autre fait qui menace l'environnement concerne les feux de brousse. Au cours de l'été dernier, environ 250 hectares ont été dévastés par les feux de brousse, la commune Bissoro étant en tête en cette matière, selon le responsable de l'OPP à Mwaro. Il ajoute que ces jours-ci, des militaires et policiers qui sont sur des positions pour assurer la sécurité utilisent les arbres des environs pour la cuisson. Sur la colline Butazi, en commune Ndava, le responsable de l'OPP à Mwaro dit qu'il y a un village de la communauté Batwa qui y est installé. Ces derniers coupent et vendent les arbres des environs. Il signale qu'il a déjà contacté l'administration communale d'Ondava et l'administration provinciale pour que ce village soit déplacé vers un autre endroit. Pour préserver l'environnement, il dit que plus de 600 000 plants d'arbres forestiers et agroforestiers sont dans les pépinières pour être plantés dans toute la province de Mwaro au cours de l'année prochaine. De Mwaro, Laurent Dicrio, Radio Isanganiro. Merci Laurent. Rendons-nous à Karusi pour parler de l'éducation où les élèves des écoles à régime d'internat comme Itab Karusi et d'autres de la province Karusi ont été sommés de quitter l'internat depuis ce samedi. La raison avancée par les directeurs de ces établissements secondaires est le manque des moyens pour nourrir ces élèves qui viennent de terminer leurs examens. Les détails avec Blaise Pascal Kalarumiye. Les élèves des écoles à régime d'internat comme Itab Karusi, lycée de Vuhiga, lycée de l'Espérance et d'autres, toutes de la province scolaire de Karusi, ont été renvoyés au samedi de l'école pour commencer les vacances bien avant, alors que les vacances étaient prévues pour le 23 décembre. Aussitôt après les examens de ce vendredi, les directeurs de ces établissements secondaires ont informé ces élèves qu'ils doivent vider les lieux au plus tard ce samedi. Ces directeurs expliquent que la raison est qu'ils n'ont plus dans leur stock la nourriture de ses élèves. Il signale que même les fournisseurs ont déjà décidé de ne plus approvisionner ces écoles en denrées alimentaires. Ils disent aussi que ces fournisseurs acquisent de grandes dettes de ces écoles. Ces responsables scolaires font savoir également que c'est même suite à la montée exponentielle des prix sur le marché qu'ils ne sont plus capables de nourrir les élèves. Comme l'indique Désiré Hakizimana, le directeur de l'ITAB Karoussi et ses collègues, ils doutent qu'ils n'auront même pas à nourrir ses élèves pour le deuxième trimestre prochain. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour Radio Sanganiro. Merci Blaise Pascal. Rendons-nous à Bururi pour parler toujours éducation. Le rétablissement dans leurs droits des enseignants injustement redéployés est la principale préoccupation des nouveaux dirigeants du syndicat des travailleurs de l'enseignement au Burundi. Rémi Sengiyumva, représentant national de ce syndicat, l'a déclaré ce vendredi à Bururi en marge d'un atelier organisé par ce syndicat sur le dialogue social en milieu du travail. Reportage signé Jean-Pierre Missa. Selon Rémi Sengiyumva, représentant national du syndicat STEB depuis début décembre courant, l'un des dossiers qui préoccupe les enseignants est le redéploiement. Rémi Sengiyumva dit que, avec le redéploiement, certains enseignants se sont retrouvés dans des conditions dans lesquelles ils ne peuvent pas s'acquitter de leurs tâches. Selon son représentant syndical, tout n'est pas perdu. Quelques dossiers pendants, c'est surtout la question en rapport avec le redéploiement, qui a eu des conséquences néfastes pour certains enseignants. Nous comptons rencontrer, nous comptons nous approcher de l'autorité de l'éducation pour parler de ce redéploiement. On dirait que c'est presque fini, mais c'est pas fini. Nous demandons à ce que les recours continuent. Nous demandons à ce qu'un enseignant qui a été déplacé de sa maison, qui vient d'obtenir par un crédit, qui regagne son bercail. Dans cet atelier qui avait réuni les représentants de l'administration, le DPE et les DCE évrant en province de Bururi, les syndicalistes et ceux de la société civile, Rémi Sengiyumva appelle les syndicalistes à ne faire que du syndicalisme dans leurs réunions et cela éviterait la méfiance dans certaines localités entre l'administration et les syndicats. Jean-Pierre Misago depuis Bururi, Radio Isanganiro. Merci Misago. Et dernier élément de ce journal en nous rendant à Ngozi pour parler de l'économie. Flambée des prix des denrées alimentaires s'observe à Ngozi ces jours-ci. Le prix de bon nombre de produits de première nécessité a doublé. D'après les détaillants, cette flambée serait liée au manque des produits dans les stocks au lieu d'approvisionnement. Reportage d'Apollinaire Mouzagara. Les prix des denrées alimentaires ont grimpé au marché central d'Ngozi et même à ceux périphériques du chef-lieu de la province Ngozi. Exemple, un régime de bananes qui s'achetait à 5 100 bouts il y a 2 mois, se vend actuellement à 10 000 francs. Un panier de patates douces qui coûte 6 000 francs actuellement est à 3 000 francs. Un kilo de colocase se vend à 900 francs contre 600 francs il y a 2 mois. Un kilo de farine de manioc qui coûtait 700 francs se vend actuellement à 1 000 francs. Les marchands affirment que c'est la première fois en Ngozi qu'un kilo de haricots de moyenne qualité coûte 1 500. La population de cette province indique qu'aucune culture n'est à la période de récolte dans les collines et par les deux disettes même dans leur ménage. Les détaillants de leur côté affirment que les prix ont également monté chez les grossistes où ils s'approvisionnent. Donc Ngozi, Afone Muzagara, Radio Sanganyika. Merci Apollinaire. Et c'est par ici que nous mettons fin à ce journal. Merci pour votre attention. Merci également à Aimé Toussaint Mitewoutsi pour sa collaboration technique. Au revoir à tous. Juste après, c'est la revue de la presse. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous situez. Le nouveau dialogue, titre le journal Iwachu. Citons l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa, médiateur dans la crise burundaise, qui a déclaré, je cite, « Le pouvoir de Bujumbura est légitime », fin de citation. Cette déclaration a surpris tout le monde. Bonne pour Bujumbura, inacceptable pour l'opposition radicale en exil, à l'occurrence le Sénarède. Dans le chapitre des réactions de cet hebdomadaire, pour Pierre Claver Mbonima, en cas de force majeure, on brûle le fer rouge, et pour Willy Nyamitu, tués, le terrorisme n'aura jamais le dernier mot. Pour Léon Sengendakoumana, un rassemblement des partis politiques, de la société civile et des groupes armés est nécessaire. Et selon Jacques Wigilimana, en politique, l'option militaire ne compte pas. Du côté d'Evariste Ndayishimiye, il appelle les politiciens non violents en exil de rentrer au pays. Selon Jérémy Minani, la guerre civile est une option si le dialogue échoue. Selon Tassian Sibomana, je cite, Mkapa a craqué, fin de citation, alors que pour Amnesty International, selon toujours Iwachu, un processus de médiation efficace est nécessaire pour résoudre les problèmes de droits humains et politiques qui sous-tendent la crise au Burundi. Si rien n'est fait, les consommateurs risquent gros, écrit le journal Burundi Echo. Les prix des denrées alimentaires ne cessent d'être revus à la hausse dans la capitale de Bujumbura. Les consommateurs en pâtissent. De ce fait, ils demandent au gouvernement du Burundi de trouver des solutions adéquates à cette question, car, disent-ils, si rien n'est fait, ils risquent de mourir de faim. Selon un vendeur de produits, dit de première nécessité que Burundi Echo a rencontré au marché d'Oruvumera, il explique qu'il a revu à la hausse les prix de ses produits, dans le but de ne pas travailler à perte, car, explique-t-il, les grossistes de ces produits ont également augmenté les prix. Selon un consommateur, cité toujours par Burundi Echo, il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande sur le marché. Il pense que certains commerçants profitent de cette situation pour augmenter les prix comme ils veulent, envie d'en s'enrichir illicitement. L'agence burundaise de presse écrit sur une plateforme nationale de lait. La représentante d'IFIDA a expliqué que la création de cette plateforme lait est pertinente, que tous les acteurs doivent lutter pour l'intérêt commun. Le secrétaire permanent au ministère de l'Agriculture, Severe Bagorikunda, a souligné le rôle incontournable de la vache pour son apport en fertilisant, particulièrement pour les ménages pauvres, incapables de s'acheter des fertilisants chimiques. Revue de la presse. L'agence en ligne Net Press revient sur la fouille qui a eu lieu jeudi dans des appartements belges. Un politicien opposant au pouvoir, Tassien Sibomana, y voit, selon l'agence, une violation des règles protocolaires et diplomatiques au regard de la Convention de Vienne qui prévoit un traitement spécial pour les diplomates. Il pense qu'il s'agit d'une provocation de Bujumbura pour que les Belges prennent eux-mêmes l'initiative de quitter le Burundi. Selon encore Net Press, Bujumbura est gêné du fait que les Belges sont là et ne réagissent, ce qui devrait leur éviter tout énervement du pouvoir de Bujumbura. La fouille perquisition dans ces appartements abritant des citoyens belges et autres diplomates onusiens a eu lieu le jeudi 15 décembre. Le journal Iwachu écrit sur les plaques d'immatriculation que doivent se procurer les conducteurs de taxi-vélo. Ces derniers peinent à payer le montant exigé. Vendue à 8000 francs burundais d'après ces conducteurs, cette plaque sur laquelle est estampillé le logo de la mairie de Bujumbura ne fait pas l'unanimité. Interrogés, les conducteurs de taxi-vélo rencontrés dans la zone Bouiza avancent diverses raisons. L'un d'entre eux témoigne « Ça ne fait que quelques mois que je me suis lancé dans ce métier. Déjà, je me suis endetté pour acheter le gilet. Comment pourrais-je avoir les 8000 francs pour la plaque ?» s'interroge ce conducteur de taxi-vélo. L'association Onelop demande le retrait des troupes burundaises de la Somalie. Selon encore Net Press, cette association de la société civile proche du pouvoir de Bujumbura a une autre vision des droits de l'homme au Burundi. Pour elle, les droits de l'homme au Burundi sont très respectés, en témoigne l'organisation des élections de l'année 2015, ce qui va de pair avec les droits de l'homme, le multipartisme et une justice indépendante. Son représentant légal, Gerbert Bekonjangwa, estime que ceux qui ne respectent pas les droits de l'homme sont l'ONU, l'Union européenne et l'Union africaine qui refusent de payer les salaires des militaires en mission de paix en Somalie et de demander au gouvernement de Bujumbura de retirer par conséquent ses troupes de la Somalie au cas où ces institutions ne reviendraient pas sur leurs décisions. Ainsi s'achève cette revue de la presse. Elle vous a été présentée par Mireille Kanyange et Didier Nyonzima. Nous vous souhaitons d'agréables moments en compagnie de la radio Isanganiro. À la prochaine. Revue de la